Audiomatic. Souvent, les précurseurs restent dans l'ombre plusieurs années et parfois leur œuvre n'est pas reconnue à leur juste valeur historique. Parfois même, le fruit de leurs innovations est popularisé par d'autres artistes, détournant le regard du public... détournant le regard du public et du créateur de l'innovation vers ceux qui la popularisent. Et c'est le rôle des électronistes que de fouiller dans l'histoire de la musique électronique pour rendre justice à tous ceux qui l'ont façonné, des artistes ayant connu le succès jusqu'aux compositeurs obscurs. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'ouvrait la transmission 161 d'Audiomatic avec la composition National Anthem to the Moon du Canadien Bruce Hack, composition qui apparaît sur l'album The Electric Lucifer. Il est assez surprenant sur cet album paru en 1970 de constater des structures de pièces pop totalement synthétiques et aussi l'utilisation de vocoder, c'est-à-dire d'outils pour créer de l'effet dans la voix. Pour y arriver, Bruce Hack ne se contentait pas seulement du fameux synthétiseur Moog, il construisait également lui-même ses propres synthétiseurs et vocoders, ce qui en fait un précurseur dans l'utilisation de ces outils qui deviendront partie intégrante de la composition électronique contemporaine. Encore une fois cette semaine, les électronistes ont pour vous un peu plus de 50 minutes de musique incorporant des éléments électroniques. Avec le temps, vous avez sans doute remarqué qu'à Audiomatic, notre rôle n'en est pas un d'animation, mais plutôt de présentation. Nous ne faisons que présenter et nous laissons à la musique le soin d'animer. Words don't matter, anything words don't matter.

Cette section musicale d'Audiomatic prenait fin avec la pièce Third Floor du duo américain Vous Deux, qui s'orthographie V-O-O-D-E-U-X, formé de James Watts et Tanner Ross. Cette pièce est tirée de l'album de Paranormal et elle se démarque complètement du reste puisque toutes les autres compositions sur cet album possèdent une rythmique technoïde très marquée. Précédemment à Vous Deux, nous entendions le projet Yepa, incarné par l'Américain Joe Corrales Jr., accompagné ici de la chanteuse Anomie Bell. Il nous interprétait la pièce Soon Enough de son album 81. Et pour amorcer le tout, il s'agissait de la pièce WDMA, Words Don't Matter Anything, du groupe russe Space Cave. Cette chanson est extraite de la compilation Best of Label Control Part 2, bien sûr de l'étiquette de disque russe Control. Vous pouvez la télécharger gratuitement ainsi que toutes les autres parutions de l'étiquette en vous rendant sur le site de la compagnie au control.ru, le C-U-N-T-R-O-L-L.ru. Allons-y maintenant avec la formation 808 State et la pièce Azura.

La séquence musicale se terminait sur la musique du projet Square Pusher et de sa pièce Vic Acid qui paraît sur le deuxième album Hard Normal Daddy, sorti en 1997. Avant cela, nous entendions Meat Beat Manifesto et Hail to the Bop, pièce qu'on retrouve sur l'album Actual Sounds plus Voices. Et en début de séquence, c'était 808 State et la pièce Azura, sur laquelle on peut entendre la voix de la chanteuse Louise Rhodes, qui de la formation Lamb. Donc la pièce de 808 State que nous avons entendue paraît sur l'album Don Solaris, qui est sorti en 1996. La continuité sonore audiomatique est assurée à l'instant par le Britannique Simon Green, ou si vous préférez, Bonobo. A bit of love, a bit of something left inside. wondering to see you, my friend, again. Saying your name repetitiously like an insane person, wanting to just see you, my friend, again. Nous terminions cette courte séquence audiomatique avec le groupe américain I'm a Robot, mené entre autres par Alexander Ebert, qui a également fondé le groupe Edward Sharpe and the Magnetic Zeros. De la formation I'm a Robot, nous écoutions la chanson Rough Night de l'album Another Man's Treasure, paru en 2010. Et en premier lieu, nous vous présentions le projet Bonobo et une relecture par Alex Banks de la chanson The Keeper, sur laquelle collabore Andrea Triana. Ce remix se retrouve sur l'album Black Sands Remixed, qui regroupe, vous l'aurez compris, des versions remixées de chansons de l'album Black Sands. La transmission 161 d'Audiomatic se terminera sur la musique glauque composée par Mick Harris pour son projet Scorn. De l'album J-Roll, paru en 1995, nous entendrons la pièce Hush. Nous désirons prendre quelques secondes pour vous remercier sincèrement d'avoir été à l'écoute de cette transmission d'Audiomatic qui ira bientôt rejoindre toutes les anciennes émissions qui sont disponibles à l'écoute en ligne sur nos plateformes archive.org, Tumblr, mais surtout facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Les électronistes sont impatients de vous retrouver mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 162. Voici donc Scorn et la pièce Hush. Bonne écoute et bonne semaine.